Il te reste 2, 4, 5, 6 et 9. Quel con, putain. À quoi peut-on accéder dans le 8e sous-sol de la Banque de France après avoir notamment passé deux portes blindées de plusieurs tonnes et deux blocs de ciment pivotants? Les toilettes handicap. La réserve d'or. Bonne réponse. Les toilettes handicap.